C'est vaya, vaya, passez pour ton tour de belle. Laisse-moi porter l'eau pour le vaya, vaya. On va tout décoller, c'est vrai. Ce soir on va s'ambiancer. C'est vaya, vaya, passez pour ton tour de belle. Laisse-moi porter l'eau pour le vaya, vaya. On va tout décoller, c'est vrai. Ouais, ça sort, on va s'ambiancer. Et ma couille, c'est pas du son qui passe en boîte de nuit. C'est pas du clash, man. Tu mérites des claques, je te le dis. Je mérite un max de beef, miss. Viens nous faire une gâterie. Comme un plat de pâte, un plat de riz, c'est classique. Vas-y, arrête de parler sur ma zik. T'es loin de nous, c'est facile, t'as pas de flow. Gros, tu nous bassines, vas-y, mollo dans la polo. Rigolo, rodéo sur le taureau, croco. Sur le polo, Fox et Morenolo. Le beat décalibré, réanimé, c'est ça l'idée. Et ça va mêler les PD de la télé-réalité. Ça joue sur la prod, mais je suis pas dans le game. Je finis premier, tu finis 32ème. Musical donc, je te mets des coups de pub. Tu parles de moi, mais tu me fais des vues sur YouTube. Attiré par les vapeurs, bang tu connais. J'suis dans la musique depuis l'époque du collège. Laisse faire, on m'a dit faut laisser parler. Qu'est-ce tu croyais, qu'on allait rester là à se laisser noyer. Faire les bails, ça y est, pas détail, tu sais que le but c'est faire la maille. C'est vaya, vaya, passez pour ton tour bébé. Laisse-moi porter l'eau pour le vaya, vaya. On va tout décoller, c'est vrai. Ce soir on va s'ambiancer. C'est vaya, vaya, passez pour ton tour bébé. Laisse-moi porter l'eau pour le vaya, vaya. On va tout décoller, c'est vrai. Ce soir on va s'ambiancer. Si. Hey, on est venu pour représenter 76 A, vas-y couche ton boule bébé. Ça fait zizir quand ça sent l'été. Ressort tes petites tenues, oublie les UV. Quand tu vois l'hiver qui fait ses bagages, c'est 4 soleils qui traînent dans les parages. À l'arrache, direction la playa. Sors la vodka, tout patate sur le Vespa. On s'en bat les glaves, on s'en bat les glaves. Oui, c'est comme ça chez nous, c'est rap ça toute la nuit. Le lendemain, j'ai le pit pit au ballonné. On s'en bat les coups même si on sait que la hype nous bonnet. Fais fumer les bécanes, fais fumer les engins. Fais fumer la weed et fais tourner au frangin. On s'en bat les couilles de ce que pensent les voisins. Quand on ira pas ta barbus dès le matin. Quand tu ramènes ta gueule, si tu diades. Qui ramène ton kit, amène tes bosses. Quand t'en passes de lui, t'enlèves ta culotte. Tu dis que c'est jamais toi, mais c'est toujours les autres. Pour toutes les salopes. Sur vous, on a des dossiers plus que hot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, ça sent bientôt l'été. Ça va se déchirer. Vas-y, bouge ton bout. C'est vaya, vaya. Vas-y, bouge ton bout, bébé. Laisse-moi porter l'eau pour le vaya, vaya. On va tout décoller, c'est vrai. Ce soir, on va s'ambiancer. C'est vaya, vaya. Vas-y, bouge ton bout, bébé. Laisse-moi porter l'eau pour le vaya, vaya. On va tout décoller, c'est vrai. Ce soir, on va s'ambiancer. Vaya, vaya. Faya faya, hein, c'est comment ça se passe ici c'est faya faya, hein, faya faya, hein, pour toutes les petites cartes, hein, faya faya, hein, en plus ça sent l'été, on va bien s'animer, faya faya, t'as compris, t'as compris, c'est faya faya, c'est faya faya, si pour tous les frelots.